Le soleil arpecte sur la tôle, ma basse fond comme un glaçon trop drôle. J'ai mis un hamac entre deux tourelles et une bannière pike pour les rebelles. J'ai crafté une chaise longue en métal avec du loot piqué, un rival. Je me sers un mojito dans un casque pendant que le monde entier s'enflamme en tasque. T'es venu raide, franchement t'abuses. Je suis en slip en train de faire des frites sur une ruse. Une viewer m'a dit pose ton gun, alors j'ai joué au frisbee avec un ton gun. Bikini et bazooka, je vise pas la plage, mais ton sofa. Bikini et bazooka, on tire des splashes dans le jacuzzi là. Bikini et bazooka, rider skill stream sous parasol là. Bikini et bazooka, t'as pas d'alliance, on t'enverra Rita. Check. J'ai décoré ma base en tiki bar. Y'a des mines planquées sous le comptoir. Une pancarte happy hour jusqu'à minuit. Et un piège à ours sous chaque kiwi. Un viewer en jet ski m'a stream snipe. Mais je lui ai offert un cocktail au snipe. Même les bottes dansent sur le roof. Un turé a crié YOLO avant de faire bouffe. Mekini et bazooka, ta team tryhard elle chill avec moi. Mekini et bazooka, on lance des feux de camp comme du foie gras. Mekini et bazooka, ta base est vide, c'est l'effet Rider ce qu'il a. Mekini et bazooka, on raid sans casque, juste en Nuba. Juste un frigo qui explose en pop-corn. Et moi, torse nu, qui regarde l'horizon en lançant des bandages comme des bonbons. Soudain, plus rien. Juste un frigo qui explose en pop-corn. Et moi, torse nu, qui regarde l'horizon en lançant des bandages comme des bonbons. Bikini des bazooka, les flammes sont belles à cette heure-là. Bikini des bazooka, je te loot en chantant la Macarena. Bikini des bazooka, viewer fidèle, t'es dans la fiesta. Bikini des bazooka, ce soir c'est raid et Fanta. Bikini des bazooka, un dernier roquette et puis dodo. Bikini des bazooka, on construit l'amour avec du gros. Bikini des bazooka, merci Rider Skill, roi du chaos. Bikini des bazooka, ton stream c'est du champagne et du disco.